Tremblant, nous avons un podcast! Yeah! Bonjour et bienvenue à la 81e diffusion de Pas de problème. C'est notre quatrième en direct et en différé du bar Les Passages. Ici Frédéric, oui, je m'en fâche dans mon propre nom. Frédéric Barbouchy en direct. En direct. Avec Antoine Vézina. Salut, Fred. Salut, Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut, Fred. Salut, Antoine. Vous allez bien? Je dis salut à mon gars qui passe. Et salut à Mathieu Bouillon. Salut. Dit Monsieur Bourrin. C'est Monsieur Bourrin. Voilà. Et bonjour à notre public. Ouais. Salut. Fidèles, pour vous qu'on le fait, ce podcast. Sans farce. Quels sont ceux dans la salle qui ont écouté tous nos podcasts? Vous êtes quelques-uns, quand même. Merci beaucoup, vraiment. Qui ont écouté plus de la moitié? Ceux qui ont tous écouté les podcasts, lèvent pas la main. Les gars de sonore applaudissent en arrière, c'est sûr. Qui en a pas écouté et se demande un peu ce qu'ils font ici ce soir? Merci. C'est pas vrai, vous n'avez déjà écouté trois! Alors, ce soir, on aimerait rendre hommage à Christiane Charette, qui était numéro un podcast francophone au Québec, mais qui n'était pas vraiment un podcast. Non. Mm-hmm. Elle était toujours habillée en noir, et aujourd'hui, c'est nous qui sommes habillés de noir. Et je vous invite... Antoine et moi, on a eu l'occasion de se faire interviewer par Christiane. Oui, il paraît que ce fut une expérience très agréable pour vous deux. Moi, c'était moyen, et pour Antoine, c'était pire. C'était désagréable. Un gros silence, ça me demande une joke. Que des frais. C'était... Mais vous êtes drôle, vous? Ben, faites-moi une blague. Vous êtes humoriste, hein? Et là, il y a un silence. Non, non, c'est vous êtes drôle. Vous êtes drôle, vous. Dégueulasse. Ouais. Moi, ah, mais moi, je l'aime bien, ceci dit. Oui. Moi, elle a pris un n'importe quel bout dans mon livre et elle fait « Ça, c'est quoi? » Tu sais, puis en plus, c'était comme un dessin que j'ai fait. En tout cas, bref, vous aurez écouté ça. Je pense que c'est encore en ligne. Oui. Mais encouragez-la pas en allant écouter ça. Non, donc, oubliez ça. Ce que je viens de dire. Et on commence ce podcast avec un problème qui nous vient de Léa. Léa nous demande, à l'approche de l'été, comment éviter de se faire manger par les moustiques? Oui, parce qu'on sait que les moustiques... Ça pique. Oui. Et ça gratte. Ça gratte. Ça chatouille. On tient à saluer nos podophiles français, belges, suisses... De la francophonie. Oui, on est presque numéro un. Ben ouais, dans la salle d'ailleurs, là, il y a pas juste des Québécois, il y a aussi des gens de la France là-bas. Des Bulgares. Qui n'est pas Québécois dans la salle? Yeah! Oh, bravo! Il y en a. Bravo. On peut remarquer les Français par leurs jeans de taille trop basse. Ils sont juste situés derrière ici. Ben voyons donc. Arrête d'effroisser, nous écoute. Merci. OK. Bon. Antoine, je pense que tu as fait une recherche Wikipédia sur l'invention du moustique. Non, pas Wikipédia, dans mes livres à la maison. Oui. Mais toi, Antoine, tu voulais nous parler du moustique qu'on recueille dans l'ambre pour faire des dinosaures. Oui, exact. Ah! C'est pas un film, ça? Oui. Non, mais en fait, on parle de moustiques, c'est une très grande famille, mais il serait peut-être plus précis de parler du culcidae dans la famille des diptères. Je vais parler d'abord du grand remède qui est apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour lequel Paul Hermann Müller a reçu le prix Nobel de médecine en 1948 et vous aurez tous reconnu le DDT. Oui. Dichlorodiphényl trichloréthane. DDT. Je suis complètement saoul. C'est pas vrai. Parce que les moustiques, évidemment, étaient à l'origine des épidémies de paludisme et de typhus. Oui. Et le DDT a été extrêmement efficace, mais depuis interdit. Pour les punaises de lit aussi. Pour les punaises de lit. D'ailleurs, c'est un peu parce qu'on n'utilise plus le DDT. Oui, mais il y a d'autres remèdes à base d'eucalyptus, par exemple, contre les punaises de lit. Mais en effet, tout ça à partir de Rachel Carson, que vous connaissez peut-être, qui a écrit en 1962 un livre contre le DDT. qui expliquait donc les ravages que ça pouvait causer. Ouais. C'est tous. Antoine, arrête. Ceci dit, Antoine, arrêtez, tout le monde est sous. Antoine, tousse pas, ça sent le fort, là. J'ai une série de solutions. On t'écoute. Relative au DDT. En rafale. Des balles. Équipez-vous d'ampoules jaunes. Oh. Ammoniaque. Un peu de lavande sur vos ampoules. Mm-hmm. Ammoniaque dans bouche, on en boit? Du basilic. Arrête de niaiser. Non, mais c'est ça. Non. Tu ne la bois pas, l'ammoniaque. Non. Tu déposes un peu d'ammoniaque le long de tes bords de fenêtre, par exemple. D'accord. Il y a des bouquets de menthe. Géranium, on en parlait également. C'est, les Romains utilisaient le géranium déjà pour repousser les moustiques ou les punaises de lit. Ouais. Et c'est très populaire. Orange, ça marche. Orange piqué de girofle. Mm-hmm. Du thé avec une gousse d'ail dedans. Basilic. Évidemment, éviter de porter des linges, du linge trop moulant. Ou noir. Ah, c'est bon, ça. Ou noir. Également... Le foncé attire les moustiques. Oui, et des mailles serrées. Évidemment, si vous avez des mailles larges, les moustiques vont profiter de cette faiblesse. Des mailles larges. Parce que je vous rappelle que les femelles ont besoin de votre sang pour nourrir leurs œufs. C'est dégueulasse. Ah oui, vraiment. C'est dégueulasse. Ben voilà. Alors, vous avez un problème. Nous avons un podcast. Je t'interromps. Mais je t'interromps, Antoine. Il n'y a pas d'autre solution. C'est scientifique, c'est fait. Ben, c'est déjà beaucoup, là. Mais moi, je suis allé du côté du règne animal parce que les meilleurs insecticides nous viennent de nos amis, les animaux. Ah ouais? Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous allez dans un champ, à quel point les queues énormes des vaches... Ça réussisse à éloigner les moustiques. C'est donc, la pire phrase. Elle est impressionnante, cette phrase-là. Oui. Donc, oui, surtout bien dit. Je me souviens pas du début. Ouais, non, moi non plus. Donc, moi, je pense que se faire greffer une queue de vache... OK. Mais moi, j'y avais pensé, oui, ou se faire pousser une belle crinière, là. Oui. Swing. Mais la queue de cheval. Swing, oui. Moi, je pense que ça se peut. Oui, c'est le podcast le plus mimé au monde. Oui. Ouais. Ah. Même à la limite, cette queue de vache-là peut te sortir du front, tu sais, puis comme ça serait beau. Il y a le mythe ou la réalité que, en fait, que si on mange des bananes, ça attire plus les moustiques. Oui, ou se laver aussi, là, shampoing. Se laver. Oui, le shampoing avait les choses parfumées, à vrai dire, là, le parfum, tout ça, complètement. Donc, ne pas manger de banane, déjà. Une belle étape, ça. Mais j'ai lu à quelque part que la pelure de banane était un super remède contre les démangeaisons des piqûres. Juste de frotter une pelure de banane sur les, semble-t-il, avec un tout petit peu de chocolat, crème fouettée. Tu t'es fait embarquer dans quelque chose. Tu roules dans une crêpe. On laisse ça une nuit tranquille. Mais en même temps, si t'as une pelure de banane sur le bras, les gens peuvent tomber sur ton bras. Qui t'a dit ça? Cora? Oui. C'est Cora qui t'a dit ça? Non. Le châtelaigne. Pas le châtelaigne. Déjà sur Twitter, il y a Gabriel Gagnon qui nous dit être un moustique. Ben voyons donc. Ça, c'est des solutions bravo. Vraiment le fun. Maud Laurier qui nous dit les attraper au vol tel un amphibien. Amphibien, dis-je, avant qu'il ne le fasse. Ouais, ça marche à coup sûr. Très bon. Espèce de raquette électrique. Là. Ouais, ils vendent ça au Dolorama. Là. Ça, selon moi, c'est sûr que ça marche. Un taser à bibitte. Là. Ouais. Ouais, exact. Donc, ça les tue. Mais moi, je pense que si t'es quelqu'un qui aurait attrapé, ça fait des belles soirées de camping. Ils sont pas tout seuls, habituellement. T'es concentré en temps. Mais si on est quelqu'un qui aime un peu, comme toi, Jean-Philippe, qui aime la haute couture, la mode, se faire des soutes en moustiquaire. Mais complètement, il y en a, là. Il y en a, c'est sûr et certain. Il y en a. Ouais. Mais non, mais il faut ramener ça, là, l'espèce de toile, là, justement, là, dans le visage et tout ça, là, le moustiquaire. Puis il y a moyen, comme tu dis, de le rendre cool, je suis sûr et certain. Là, une casquette Ed Hardy avec... une voilette de veuve. Une voilette. Un chandail bedaine, mais avec une petite voilette de toile pour le reste. Parce qu'en dessous, t'as un body en moustiquaire. C'est ça, un body velcro là, qui se rattache dans la croupe. Ouais. C'est toujours beau, ces affaires-là. T'sais. On a tous une tante hein, qui, entre quelques séances de mémering, nous a dit « Moi, je suis une vraie à pas pour les bibittes. » T'sais, fait qu'on peut se traîner ce madame-là pour que toutes les bibittes aillent dessus, mettons. De l'autre côté, on a tous une tante qui fait « Moi, elle me touche pas! J'ai du sang d'Indien! » »« J'ai du sang indien! » Ben, peut-être saigner cette tente-là. Ah oui, et s'en couvrir. Et se faire une petite transfusion. Ouais, se couvrir du sang de cette tente-là. Ça, ben, devenir indien, il y a des allégeances puis des cartes gouvernementales. Ben, écoute, la plupart d'entre nous avons probablement un pourcentage amérindien. Ouais, pour vous corriger, messieurs, en dedans de nous. Pas moi. Monsieur, non. J'ai dit la plupart. Je fais attention. Oui. Parce que les Amérindiens ont peuplé toute l'Amérique du Nord, hein? Même l'Amérique du Sud. Une autre idée. Ouais. Moi, là, les fruits, là, je lave pas ça. Tu sais, des petits fruits, des gros fruits, mais tu sais, il nous dit que c'est bourré d'insecticides. Fait que peut-être qu'un moment donné, ça va payer mon affaire. T'sais. Brillant. Soit un cancer, soit une mouche. Si jamais tu les laves, tu les frottes contre toi tout le temps. Oui, mais ça, lave-là, le ding. Oui. Ben oui. Là, le dedans. Ouais, non, crise, c'est bon. Opportunité. Oui. Crise, opportunité, bien sûr. On ne stannera jamais de ça. Non, les Chinois. Non, mais. Bon, évidemment, l'hiver, on n'a pas de problème de moustiques. Hein? Non. Il y a les plans d'eau qui attirent. Oui, bien, éviter les plans d'eau. Donc, éviter les soit flacs à la maison. Habiter toujours au froid ou dans les chaleurs extrêmes, des endroits sec. Où c'est sec. Oh, oui, oui. Éviter l'ombre aussi. Parce que j'ai l'impression qu'en forêt, c'est toujours à l'ombre que c'est pire. C'est vrai que l'ombre est une ville tellement brumeuse que. L'ombre en Angleterre. L'ombre Ontario. Mais il y a un classique. Il y a un classique quand même où on se fait manger par les moustiques, c'est près d'un feu de camp. Hein? Habituellement, on fuit la boucane du feu de camp, mais pour. Trouver les moustiques. Pour se sauver des moustiques, se placer tu directement restes. dans tu restes dans fumée, pas vous. On a une solution ici qui te concerne, Antoine, qui nous vient de Guillaume Lemay, qui est devenir ivrogne chronique. Tu sues de l'alcool et les insectes piqueurs ne te touchent pas. C'est brillant! Fait qu'il n'y a aucune chance de piqûre ce soir. Yes! Ben, habiter en ville, c'est sûr que tu diminues ton risque de rencontre. Complètement. C'est fou. Mais c'est sûr qu'on est à même de se demander si tu as un problème d'alcool lorsqu'on lit le T-shirt que tu portes présentement. Qui est quand même écrit « Une caisse de 12 tous les jours éloigne le médecin tous les jours. » T'aurais dû garder ta chemise. Ouais, c'est pas le meilleur. T'aurais dû garder ta chemise en filet. On te l'a donné, hein? Ouais, merci. Ouais. Chemise hawaïenne. Non, mais peut-être juste s'informer un peu, étudier un peu, aller sur Wikipédia, regarder des photos, parce que c'est seulement que les femelles qui piquent. Hein. Exact. Oui, oui, oui. Oui. D'où l'expression « qui s'y plotte, s'y pique ». Moi, je pense que faut que tu l'amènes partout où tu vas, lui. C'est mon public. C'est le gars qui crie derrière toi. Oui. Yeah! Il est à toi, ce public-là. Non, mais tu sais, si t'es en train... T'es dehors, il y a des moustiques, tout ça, tu fais... Hein? Mal. Oh, femelle! Femelle. Attends, avant de piquer, je vais voir si t'as un petit bijou. Y a-tu un petit bijou? Pas toi, Vatan. Pas toi. Ah, y a des jeggings. Ah, elle a l'air pipi. Oui. J'imagine que si tu te déguises en moustique, ouais. Peut-être qu'ils te piqueront pas. Non, mais ils peuvent te violer. Hein? Un des noms. Oui, ben c'est toujours bien moins pire. Ah, ben tu finis par avoir des conversations plates là, avec les plates. Là. T'es là, tu parles des plates. Non, mais il y a les classiques, là, tu sais, polluer ton environnement avec une grosse canette de Raid, puis de. Peut-être te tuer un peu, mais. Il mm-hmm. y a les huiles essentielles, semble-t-il, qui peuvent éloigner les moustiques. Lesquelles, exactement? Ça dépend. Tu peux faire des tests dépendamment des moustiques qui sont dans ta région. Il y a vraiment de la période du jour. Ah, faut. Voilà. La bergamote. Crise, je connais pas, c'est ça. Sortir une gamme de produits, genre savon, déo, à la citronnelle. Mm-hmm. Hein? Oui, belle idée, ça. Mais il existe tellement de bons produits maintenant pour l'après-piqûre que ça dérange presque plus de se laisser piquer. Il existe maintenant des bons appliqués à l'aloès là, qui font vraiment la job, qui empêchent la piqûre. Non, mais avec ça gosse tellement. On m'avait expliqué. Ah ouais. Quand il y a un moustique qui te pique, au lieu de le tuer, si tu le tues, c'est là que ça va te piquer après. Ouais, c'est ça. Faut que tu le laisses faire parce que lui-même va sécréter une petite affaire qui va faire que ça te piquera pas. C'est l'odeur, en fait, qui reste dans la peau qui crée l'infection. Non, c'est quoi, là? C'est pas ça? Calling. Je pensais que c'était ça. C'est ça? C'est peut-être ça. Ouais. Je sais pas. C'est ça? C'est pas pour les marégots aussi, c'est pas la même chose que dès que c'est l'infection qui crée. OK. Hey, bon, on a un public. On a le public qu'on mérite. Oui. Les experts en moustiques. Ils en ont aucune idée, comme nous. Ça, c'est des drôles de bibittes qui nous écoutent. C'était dégueu. J'allais dire quelque chose. Vas-y. Pas se laver. Il y en a qui l'essayent ce soir. Bravo. Bravo. Non, mais pas se laver, ça éloigne les moustiques et les amis. Les amis, oui. C'est ça l'affaire. Ce qui est pas pire. Mais le gazebo. Oui, le bon moustiquaire. Je sais pas, mais vivre en ville. Oui, vivre en ville, certainement. Ça éloigne les moustiques. Ça, c'est sûr. Tu sais, les lampes à mouches, ça marche, ça. Hein? Oui, ça fonctionne quand même. Le moustiquaire, il y a, un programme pour aider... le Bubble Boy moustiquaire. Tu peux envoyer de l'argent là, pour qu'ils achètent des moustiquaires, non? Ça vous dit rien, c'est vrai. Oui, des filets de lit pour les... Oui, tout ça, pour éviter, évidemment, la propagation de graves maladies. Il faut choisir. C'est un laptop ou un moustiquaire? Moi, y aller pour le laptop. Ouais, OK. Non, mais tu one laptop ou one moustiquaire. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il existe une application iPhone, peut-être qui est une lampe à bibitte aussi. Oui, puis on vous invite à aller les chercher. Andy Boucher, les devancer et les manger en premier. Oui, manger des œufs. Très fort. Mais peut-être avoir le quelque chef chose... Martin Picard a d'excellentes recettes de mouches. Oui. C'est toujours avoir un petit bâton de tir d'érable. Là. Oui. Ça va là-dessus. Oui. Non? Oui, l'affaire qui colle, c'est bon, ça. Oui, très bon. C'est excellent. J'en avais une. Voyons, un moustique. Il y en a un, là. Il y en avait un. Il se venge. Mais c'est ça, éviter les endroits propices à moustiques. Mais si on est dans les un marais. Endroit... C'est quoi les endroits? Mais marais... Eau stagnante. Au chalet, au stagnant. Ouais, les lacs. Non, mais les fermes. Si on est là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Porter de longs vêtements. Léa, je m'excuse de te demander ça, mais... As-tu un endroit, un exemple en particulier? Dans le parc? C'est ça que la vie, ça marche pas. Ouais, non, parce que là, tu tiens un parc, c'est pas de ma faute si t'as pas de domicile fixe. Mais, tu sais, si, justement, dans le parc, évidemment, on veut profiter du parc, mais c'est là qu'on se fait attraper. Ouais, exact. J'imagine que si tu vas plus vite que les moustiques, constamment... Oui. Ça, c'est vrai. Voyons. Il te rattrape jamais. Toujours être sa vibration un peu. Toujours shaking. Ou, tu sais, il y a les bubble boys, là. Oui. Mais les bubble boys dans une boule de moustiquaire. Et là, tu peux vraiment profiter du parc. Oui. Ça devient jamais mou, Fred, parce que le moustiquaire laisse pas passer l'air. Il est niaiseux. Armature. Guillaume, t'avais une propos... Des émetteurs à ultrasons. Ben oui! Émetteurs à ultrasons. Je l'ai! Éloigne à la fois les mouches et les chiens. Chez ma mère, beaucoup de moustiques, mais beaucoup de chauves-souris. Ah oui, les chauves-souris mangent 10 fois leur poids par soir. Oh, en mouche. C'est vrai. Donc, tu t'attaches aux chauves-souris. C'est pas vrai? Tu le sais pas. Fais pas semblant que je dis pas la vérité. Ben oui. C'est vrai. Non. Comment? 20 fois? 20 fois. Hey, 4 gars qui connaissent rien, qui parlent à du monde, qui connaissent rien. Non, mais c'est vrai. Incroyable. Mais peut-être entraîner numéro des chauves-souris, juste en avoir une qui fait toujours le tour de toi. Non, mais tu l'attaches. Mm-hmm. Tu te l'attaches après toi. Hey, là. Un petit collier. Tu à chauve-souris. Est-ce que ça marcherait si c'était le comédien Adam West qui traînait autour de toi? Je l'ai dit la semaine passée que c'était à pire, là, mais... OK. Mais je pensais pas que t'allais dire ça cette semaine. C'est correct, on va en faire des bubble boys moustiquaires. C'est ça, ouais, c'était ça la pire. C'est bon, là. Ah, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, si on est là pour se juger, regarde, on n'en fera plus. Pardonnez! Ah, c'est pas beau, le pardon. C'est pardonné. C'est dégueulasse. Bon. Mais oui. Avez-vous une solution préférée? Non, mais est-ce qu'il y a des solutions dans l'instance? Léa? Oui. Monsieur Pouliot? De la graisse d'ours? Oh, non. Vrai, ah ouais? On a eu un nom là-dessus. Mais Léa, est-ce que tu as une solution préférée? Ah oui, j'aime bien la chauve-souris. Oh, oui. Entraîner la chauve-souris. En plus, c'est une amie. Ça chie du guano et c'est très fertile pour les plantes. Qu'est-ce que c'est le produit que Marcel Leboeuf vend là, à base d'épinettes, le sapinot? Non. Le noisetier, c'est le collier de noisetier. Ils vendent du Remax, ils vendent tout, lui. Ils vendent tout, hein, ouais. Mais, je trouve ça de valeur qu'on n'ait pas demandé aux gens des semaines précédentes c'était quoi leur solution préférée. Ben oui, on est même niaiseux. Ben oui, complètement. Donc, on l'a demandé à Léa. Est-ce que Marie-Pierre, la semaine passée, c'était quoi? Tes clés de char. Pour pas perdre ta clé de voiture. Tu t'en fous, t'écoutais pas. Je pense qu'elle aimait beaucoup le prépuce. Oui, Marie-Pierre, le prépuce. J'avais pas de pénis. Se faire poser un pénis. La semaine d'avant, on avait, je me rappelle... Linda Sauvage. Linda Sauvage. Pardonner l'impardonnable. Y a-t-il une solution préférée que t'avais? La réunion avec le Seigneur. Évidemment. Clairement. David Pouliot pour le lunch. Pimper sa boîte à lunch. Sincèrement, je pense que t'as aimé l'idée de la clé de char dans ton lunch aussi. Hein? Ça, c'était bon. Deuxième. Une clé de char pimpée dans la boîte à lunch. Ouais. Et aujourd'hui, vous, votre solution préférée, messieurs? Moi, je vais avec Adam West. Yeah! Ou les anneaux de mariage. Les anneaux de mariage. Je vois pas comment ça peut être d'autre chose. Je prône le retour du dichlorodiphényliriclorééthane, s'il vous plaît. Avant de discuter sur Twitter, il y a Samuel qui a écrit « Boire du off hey. ». Ah ouais, quand même. Lui, il est off. Mais... pas manger de bananes et le petit soute en moustiquaire. Ouais. Moi, ma solution préférée, c'est la tienne, Fred. C'est la matante qui dit « Moi, il me touche pas. » C'est la saigner à blanc et se couvrir de ce précieux nectar. Mais ce que t'as pas de besoin, par contre, tu peux le mettre dans un pot. La garder pour plus tard ou le vendre. Un lunch avec tes clés de char. Merci les deux gars de sonore qui nous écoutent plus. Merci. Merci à tous de vous être déplacés au bar Les Passages. Dépassés. Hey, est-ce qu'on se dit à l'année prochaine? Oui, on va faire ça. Oui, ça a été une super expérience. Oui. On se retrouve en studio la semaine prochaine, les gars. On va voir à quel point... On va mesurer l'ampleur de l'échec et après, on va voir si on le refait. Yes. Merci à tous. Merci au bord des passages. Oui. Merci à Amélie. Oui. Merci beaucoup. Merci à Chassé Toyota. Ouh, pour les lunchs. On essaie-tu de pogner une note pour la signature, genre? Vous avez un problème. J'embarque pas là-dedans. Bon. OK. D'ici la semaine prochaine. Mais continuez à nous envoyer... on l'a pas dit en quatre semaines. Oui. Continuez à nous envoyer des problèmes. Oui. Continuez à nous écrire des commentaires sur Facebook. Et on a un courriel maintenant. Hein? Oui. C'est podproblème@gmail.com. Donc, ceux qui Facebook pas... Hein? Écrivez-nous directement par courriel. Et voilà. Et allez sur iTunes, évidemment, nous donner... Vos commentaires, 5 étoiles, let's go. Une note parfaite. Vous aimez pas ça? Allez-y pas. Non, mais regarde, là. Non, il y a des limites à tout. On va être numéro 1. On va être numéro 1. Oh, fuck off. Let's go. Merci beaucoup et vraiment, ça sera à refaire. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, très agréable. Et puis, d'ici la semaine prochaine... Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Nous avons un podcast.